toutes les attributions importantes. Et la bonne nouvelle pour vous, c'est qu'il y a du son aujourd'hui. Pas mal de choses à voir aujourd'hui ensemble. On va analyser un petit peu en profondeur le modèle média paid on earned. Vous avez peut-être vu ça dans d'autres cours également, notamment des cours de médias. On va voir ici l'approche plutôt digitale, qu'est-ce que ça signifie pour le dans ce modèle-là. Et puis on va parler des stratégies participatives et des marques qui font du sens dans la vie des consommateurs aujourd'hui. Alors, d'abord, sur le média. Le média a beaucoup changé. Quand j'ai commencé ma carrière, c'était très simple. De faire une campagne, il fallait juste choisir quelques médias de base qui permettaient de faire de la couverture et d'être très visible auprès de la population. Et on réfléchissait pendant 6 semaines en agence pour trouver un concept et puis présenter aux clients, même si on avait travaillé 2 jours juste avant. Je ne sais pas si vous avez vu 99 francs, c'est un peu le même cliché. Hein. On glandait beaucoup et puis on travaillait en dernière minute. Et puis on présentait un truc en disant on a un travail qu'on est malade pour trouver cette campagne d'affichage qui est incroyable. Alors aujourd'hui, les temps ont changé parce que au niveau de la pub, on doit aujourd'hui jongler avec beaucoup plus de choses, pas simplement les médias traditionnels, mais également toutes les mécaniques digitales d'activation, que ce soit sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Alors, les réseaux sociaux avec leurs règles à elles. Par exemple, vous voulez faire un post sur Facebook, jusqu'il y a peu, dans l'image, on ne pouvait pas avoir plus de 30% de texte qui apparaissait dans l'image, sinon on était recalé par l'algorithme de Facebook. Enfin, ça rend les choses un peu plus compliquées. Alors, je vous raconte pas maintenant, si vous commencez à faire de la pub sur Snapchat et sur Instagram, il y a d'autres règles à suivre. Donc, ça devient quand même très, très pointu. Et puis, au niveau des touchpoints, il y a pléthore aujourd'hui de moyens de communiquer avec les cibles. Et on ne sait plus très bien comment être efficace. Faire de la télé uniquement pour essayer d'avoir de couvrir un maximum, ça ne marche plus. Votre génération et la génération encore les plus jeunes ne sont plus sur la télé, ou en tout cas ils ne consomment plus la télé comme on l'a consommée. Donc les spots télé qui passent à 20h, ce n'est pas ça qui va nous permettre d'avoir une visibilité suffisante. Alors, ce qui est intéressant dans l'évolution du média de manière générale, c'est qu'à la naissance des médias, on est sur des médias collectifs visibles par tout le monde, que ce soit la fresque Pepsi-Cola sur un mur de maison que tout le monde pouvait voir, ou le rendez-vous dans les cinémas de quartier. À l'époque, il n'y avait pas de télévision dans les foyers. Je ne sais pas si certains sortent encore au Mirano, mais dans la rue du Mirano, il y avait 2-3 cinémas de quartier. Le Mirano était un ancien cinéma. Et qu'est-ce qui se passait? C'est que tout le monde, en général, sortait presque tous les jours voir un film en famille qui ne durait pas très très longtemps. Et c'était à l'époque aussi, ils avaient les news, puisqu'il y avait la Vegabox qui passait avant le film et qui donnait un peu les informations. Je parle là des années 50-60. On est passé après à la télévision qui est rentrée dans les foyers, qui a remplacé la radio. Et là, c'était un modèle de réunions familiales où on s'extasiait tous devant le programme qui nous était balancé par la seule chaîne à peu près existante, ou les 2 chaînes nationales. La télévision a bien évolué. Dans les années 80, vous ne devez pas noter ça, c'est juste pour votre culture, vous sortirez ça à un dîner pour être intéressant. Et dans les années 80, explosion de la télévision et de l'offre télé. Il y a des chaînes de plus en plus spécialisées qui sont apparues. Pensez à MTV, chaîne spécialisée en musique, qui était autre chose que ce qu'est le MTV maintenant, qui n'est plus grand-chose. Les Eurosport, les chaînes CNN. Et donc, on n'avait plus uniquement droit à quelques chaînes généralistes qui allaient nous abreuver de news, un peu de musique, le hit-parade, et puis des séries ou quelques films. Là, on pouvait commencer à se spécialiser. Et on a eu une multiplication d'écrans télé dans la maison. Et donc, alors que la télévision réunissait la famille a été éclatée, où les jeunes restaient dans la chambre en train de mater MTV ou Disney Channel, pendant que le père regardait Eurosport et son match de foot, et que la mère était en train de regarder une série, je pense prendre un peu les clichés, mais c'était un peu ça, un peu de choses près. Les 80-90, on est à peu près sur le même modèle. Il y a l'arrivée des sites web, où là on commence à avoir un nouveau type de médias, de consommation média, essentiellement des sites de vitrines où on a de l'information supplémentaire. On n'est pas vraiment sur de l'entertainment. C'est pas un média en tant que tel, il y a du banner qui arrive, mais c'est surtout utilisé pour avoir de l'information supplémentaire. Et puis, ben, les années 2000 arrivent, on est à l'ère du mobile, où là on va commencer à avoir des messages de plus en plus personnalisés, géolocalisés, et où la télévision fait son apparition également sur le mobile, et puis on arrive sur une Netflixisation des choses, où vous allez pouvoir, à la demande, choisir votre programme de divertissement, celui que vous voulez, au moment où vous le voulez, et à n'importe quel endroit, même s'il y a une interruption, vous prenez au même moment, à la seconde près, ce que vous avez quitté dans votre sofa, et que vous prenez dans le métro. Donc ça, c'est quand même une évolution assez incroyable des médias. Alors il y a toujours des médias généralistes, et il y a toujours de l'affichage, mais même les médias aujourd'hui qui sont traditionnels vont commencer à personnaliser leur offre et venir avec une intelligence supplémentaire. Proximus fait des premiers essais de personnalisation en fonction de votre profil et de votre foyer pour venir avec des écrans publicitaires, pas tous, mais certains, qui vont être des écrans digitaux et qui vont être très ciblés. Donc si on sait que vous êtes célibataire, sportif, et que vous adorez les voitures de sport, vous n'avez pas d'enfant, ça ne sert à rien de vous balancer un spot publicitaire pour les couches Pampers, c'est un peu de la déperdition, ou pour Frolic si vous n'avez pas de chien. Donc on rentre dans ce genre d'intelligence qui est bénéfique pour les annonceurs, puisqu'ils peuvent s'adresser non pas à tout le monde, à 80% de la population, en espérant intéresser les 20% qui sont mon cœur de cible, mais en allant chercher presque foyer par foyer ceux qui sont potentiellement intéressés par mon produit ou mon service. Ça, c'est une évolution. Je reviens au modèle Paid on Earned et on va approfondir ça. Paid on Earned, souvent, on l'a résumé à ceci en se disant le paid, c'était tout ce qui était publicitaire, payant, et donc essentiellement la pub traditionnelle, ce qui n'est pas tout à fait vrai. Le banner, ce n'est pas du traditionnel, mais c'est du payant. Le owned, c'est uniquement les media channels, tout ce qui appartient à l'annonceur, que ce soit son site web, son compte Facebook, son channel YouTube, son compte Insta, etc., etc. Et qui va alors à ce moment-là pas toucher des prospects ou des gens qu'on ne connaît pas, mais on va toucher des consommateurs ou des gens qui sont plutôt intéressés par rapport à mon produit ou à ma marque. Et puis le earned media, c'est tout ce que les gens vont dire et communiquer sur ma marque ou mon produit à travers les réseaux sociaux et qui va pouvoir être vu par une communauté. Et qu'en moyenne, les chiffres ont peut-être un petit peu évolué, mais en moyenne, chaque personne qui a une page Facebook, le belge moyen qui est sur Facebook a à peu près 120 amis. Bon, dans votre cas, vous avez trouvé ça ridicule. Il y a des gens qui ont 3-4 amis, donc je prends vraiment la moyenne. Mais ça veut dire que vous avez potentiellement une communauté de 120 personnes, que chaque annonceur, si vous dites quelque chose de positif sur sa marque, je dis bien potentiellement, vous allez pouvoir toucher 120 personnes gratuitement. C'est pour ça qu'on parle de earned media, c'est des choses que l'annonceur ne doit pas payer. D'où la dénomination paid, je paye pour m'exprimer, owned, je ne paye pas, ce sont mes propres touchpoints, et earned. Dans les slides, vous verrez que j'ai mis une définition très indiscutée. Alors, ce qui est très important, c'est de savoir que bought media ou paid media, on contrôle. Le owned media, on contrôle en général ce qu'on met sur son site ou sur ses réseaux sociaux. Par contre, ce qu'on ne contrôle pas, c'est le earned. On essaye de faire en sorte que les gens disent des choses positives par rapport à notre marque, mais on n'est pas contrôlé, et donc vous allez parfois sur certaines pages Facebook d'annonceurs, vous allez chercher Engie ou Luminus ou des fournisseurs de gaz ou d'électricité, ou même chez vous, ou Télénet. Les gens ne sont pas toujours très tendres quand il y a un problème technique. C'est en général sur la page Facebook qu'on se lâche un peu. Ça ne fait pas forcément du bien à la marque, et donc c'est du earned qui est négatif. comment est-ce que ça se passe en général par rapport à l'impact et dans le temps. Le paid, ben, il a un côté très éphémère. Comme je vous disais la semaine passée, c'est difficile d'avoir des campagnes payantes qui vont durer toute l'année. Il y a encore des places là-dedans. Il fut une époque où Procter & Gamble était presque là tous les mois avec des spots, des spots de greenwashing pour Dash ou Ariel. Ce n'est plus tout à fait le cas aujourd'hui. Et donc le pay, ben, c'est limité dans le temps. On a en général 3-4 semaines de campagne. Voilà. Le owned, ben, là c'est l'activité sur les réseaux de l'annonceur qui va être fait en permanence, mais qui ne va pas avoir le même impact. Pourquoi ? Ben, voilà, on a un très grand impact parce que dans, via le paid, on va toucher beaucoup de gens, même des gens qui sont à la base pas intéressés par ma marque. Alors que le owned, c'est en général des gens que je vais aller chercher ou des gens qui vont venir sur ma plateforme. C'est des gens que je vais aller chercher à travers, d'une manière très targetée, à travers les réseaux sociaux, via des posts ou. Alors le earned, bon, mais là, ça va dépendre un petit peu de l'effet boule de neige. Ça peut soit bien prendre, soit pas du tout bien prendre. Ce qui est intéressant, un point, c'est l'évolution des investissements dans ce modèle paid on earned de Unilever. Donc dans un budget marketing, ben, il y a un budget de com qui va être dédié aux médias classiques. Et puis qu'est-ce qu'on investit dans notre site web, notre CMS, notre direct marketing et les réseaux sociaux. Et on se rend compte que le paid est en train de diminuer dans les budgets marketing. En 2000, on était à 90%, 5% en owned et 5% en earned, parce que le earned, on essaie également de promouvoir. Il y a certaines activités, on va voir maintenant quelques exemples concrets d'annonceurs qui, contrairement à ce qu'on dit, donc, le earned n'est pas uniquement l'effet que la communication payante a sur les gens et où les gens commencent spontanément à parler. Il y a beaucoup d'annonceurs qui payent certains blogueurs, youtubeurs, diffusent des choses sans être trop identifiés pour essayer qu'on en fasse le relais et que la communauté en fasse le relais sur les réseaux sociaux. Et donc il y a des initiatives payantes et on développe pas mal de choses. Donc on voit qu'en 2010, 10 ans plus tard, on diminue de 10% les investissements au niveau du paid et on investit beaucoup plus en owned et en earned. Et là, on est arrivé à 60%, 10% en owned et 30% en earned chez Unilever. Alors, exemple. Si on décortique, et donc il y a des bureaux, notamment Havas, qui fait chaque année son étude paid on earned et qui va scanner les investissements et les budgets marketing de différents annonceurs en Europe ou dans le monde et va permettre de faire une sorte de mapping secteur par secteur. Là il parlait par exemple de paid on earned. Ils vont essayer chaque fois de faire cette segmentation. Avant d'arriver là-dessus, je voulais aussi vous dire le earned n'est donc pas que les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, vous retrouvez aussi du paid et du owned. Alors, vous allez, comment ? Ben, si vous êtes sur une page Facebook, aujourd'hui Facebook a tellement évolué que d'abord, ce qui est important de savoir, c'est que on parle d'un organic reach de 10 à 15%, 10 à 20%, ça dépend un peu des pays. Vous savez ce que c'est l'organic reach ? Alors, petit historique, Facebook s'est constitué au départ en disant aux annonceurs construisez comme un individu votre page et amenez une communauté de gens qui vont vous liker. Ça va vous constituer une audience dans laquelle vous allez pouvoir vous exprimer gratuitement puisque c'est du earned. Donc, pendant des années, les annonceurs briefaient les agences en disant on veut augmenter le nombre de followers sur notre page Facebook. Parce que ça, c'est de l'argent. Enfin, on ne va pas devoir investir pour pouvoir parler à des individus directement sur un chouette média. Et Facebook a attendu que la plupart des annonceurs aient développé leur page et investi finalement pas mal de pognon pour attirer à travers des concours. Parce que je vous rappelle que pas mal de marques se disaient vous voulez gagner un voyage à Paris, participer au concours, mais likez notre page. Ou venez taguer une de nos photos, mais il fallait d'abord avant de pouvoir la taguer, il fallait d'abord s'abonner à la page, et donc être membre, enfin, être un follower, et vous pouviez participer à certains concours. Donc il y a eu beaucoup de concours, ils ont dû payer ces concours, ils ont dû faire de la pub autour de ces concours pour ramener un maximum de gens à suivre la page. Et puis Facebook a changé ses règles. Ils ont dit, on change un peu l'algorithme. Quand vous faites un post en tant que marque, 100% des gens qui vous suivent ne vont plus voir le post. On va diminuer ça. Et on va diminuer petit à petit. Mais on vous rassure, vous pouvez aussi sponsoriser du post. C'est-à-dire, vous pouvez payer pour être sûr que l'ensemble de votre communauté voit le message que vous leur diffusez. Et aujourd'hui, on est arrivé à un moment très charnière, et qu'on arrive à un organic reach de 10%. Organic reach, ça veut dire que seulement 10% de la communauté qu'un annonceur s'est constitué depuis des années va voir naturellement le contenu qui est posté par la marque. Et donc, Facebook n'est plus une plateforme gratuite où il y a des communautés qui peuvent se parler. Facebook est devenu un média payant qui est très efficace, certes, mais qui n'arrange plus tout à fait les annonceurs qui ont payé un paquet de pognon pour se constituer un maximum de followers. Et donc aujourd'hui, on ne fait plus... Alors, on peut lancer des initiatives et se dire on va lancer une campagne sur les réseaux sociaux en mettant juste des posts et en bombardant la communauté. Ça ne fonctionne pas parce que les posts ne seront pas suffisamment vus. Il faut d'office passer par une certaine sorte de posts. Et puis, il y a un peu d'organique. Et donc, ça ennuie beaucoup les annonceurs, ce changement d'attitude. Et Twitter a suivi. Et les autres, que ce soit les Insta ou les Snapchat, vont suivre le pas également à tout faire payer. Donc, on n'est plus sur des médias sociaux qui sont gratuits à la disposition des annonceurs. Alors, je reviens ici. Donc, sur une page Facebook, vous avez du paid, vous avez du owned et vous avez du earned. Le paid, c'est un sponsor post. On a envie de pousser le truc. Le owned, mais ça va être un post. Je vois pas les couleurs. Oui. Gap qui partage une photo de sa nouvelle collection, mais qui n'est pas sponsorisé. Ça, c'est du owned. On va avoir un autre, je ne sais plus où il est, mais il va être sponsorisé. On va voir que c'est un sponsor post, mais c'est payé. Là, ce sera payant. Et dans le earned, mais c'est Erin Harper qui trouve que ça, c'est super cool, le nouveau t-shirt. Ça, c'est du earned. Donc, sur une page Facebook, on va retrouver les trois. Et évidemment, l'objectif, c'est de poster ou de pousser quelque chose, de sponsoriser un post et un élément sur la page Facebook qui va générer beaucoup d'engagement. C'est-à-dire que beaucoup de gens, on va espérer que les gens vont beaucoup liker ou commenter ou forwarder ou reposter à leur communauté. Ça, c'est aujourd'hui notre objectif quand on développe une campagne. Quand on adapte cette campagne sur les réseaux sociaux, c'est pas simplement faire une déclinaison du visuel avec juste une petite phrase, c'est de se dire qu'est-ce qui va vraiment interpeller les gens et augmenter le taux d'engagement. On reviendra sur les taux d'engagement dans un autre cours. Sur Twitter, c'est la même chose. Vous avez votre compte, il y a du hold, il va y avoir des tweets qu'on va pousser et sponsoriser, donc payer pour arriver à toucher une certaine population. Alors ce qui est intéressant, c'est que les outils maintenant de targeting sur Facebook et sur Twitter sont hyper pointus. Et ça aussi, c'est un truc important, c'est que Facebook, je vous l'ai dit, est devenu un média payant, est devenu un média énorme parce qu'il a une couverture incroyable, et donc, comparativement, il est presque aussi couvrant que la télévision ne l'était. Mais c'est en même temps tout son contraire, c'est-à-dire que c'est un média hyper pointu et hyper ciblé. Je ne sais pas si vous avez déjà fait des essais sur votre page Facebook où vous voudriez sponsoriser un post ou faire un peu de pub. Faites l'essai, vous allez voir, vous allez commencer à pouvoir prendre des critères de sélection assez incroyables où vous dites je veux toucher les gens qui ont entre 25 et 35 ans, qui adorent le tennis, Iron Maiden et MTV, et qui habitent Namur, Liège et Anvers. Et il va vous trouver 373 personnes qui correspondent au profil. Et ça va vous coûter 40 cents par personne pour toucher ces gens-là. Vous pouvez dire aussi, mais je veux participer à une enchère, je ne veux pas mettre 40 cents, mais moi, bon, je fais une enchère, je mets 20 cents et j'espère pouvoir les toucher. Puis après, il y a entre les différents annonceurs ou les, si on va toucher ces mêmes personnes dans ces 374 personnes, c'est la personne, l'initiateur de la pub qui aura mis la plus grosse somme aux enchères, qui aura son poste visible. On reviendra aussi là-dessus avec un professionnel qui nous parlera un peu des techniques d'achat et de targeting sur les réseaux sociaux. Et donc c'est devenu vraiment, vraiment très puissant comme outil. Alors, le paid on earned, ce qui est intéressant, c'est que comme les entreprises font l'analyse de tout ce que les annonceurs investissent dans ces trois catégories, ça permet aussi de dresser un peu les bilans par secteur. Et on se rend compte que dans le secteur de tous les annonceurs qui sont dans les boissons, la majorité de leur activité, c'est du paid. Le FMCG, Fast Moving Consumer Goods, ça reste essentiellement du média télé, de l'abribus, de la presse quotidienne, magazine. Et on est très peu, alors du owned, oui, mais enfin, est-ce que vous allez vraiment aller sur la page de Fanta et Coca-Cola pour vous extasier? Peu de chance. Et du earned, alors, il y a quelques annonceurs qui font un peu le buzz et qui essaient de venir avec des initiatives un peu chouettes, mais c'est pas pléthore. Dans l'alimentation, c'est la même chose, l'hygiène, la même chose, assurance, identique, banque, voyage. Et puis on se rend compte quand on arrive vers la beauté, le e-commerce, les médias, ben, médias évidemment, en Homes, la RTBF, l'RTL, ils ont leurs propres médias, donc ils font leur autopromotion, donc ils dépensent, enfin, ils ne dépensent pas, ils placent de la pub qui fait leur autopromotion sur leurs écrans et sur leur app. Dans le digital également. Alors, on se rend compte que c'est quand on arrive dans le digital, dans la mode, le luxe et le secteur automobile, bon, certes, le pay ici reste encore dominant, mais on commence à voir des activités en earned qui sont assez intéressantes. Et on va voir certains exemples d'annonceurs. Avant de passer aux annonceurs, je voulais aussi dire, souvenez-vous que le schéma que je vous ai montré entre les deux personnes qui prennent une boisson à une terrasse et ils sont bombardés de pubs de toutes parts. Ce qui est quand même important aujourd'hui, quels sont les messages qui vont réellement apporter de la confiance aux consommateurs. Et ce message, il va être plus ou moins on va dire suivi en fonction de sa source. Alors, on se rend compte que ce qui score le mieux au niveau trust, ce sont toutes les sources qui viennent du earned. La recommandation de quelqu'un que je connais qui m'a dit n'achète pas le dernier Canon, le niveau Nikon est vraiment mieux. Je l'ai testé. En plus, j'ai mon meilleur ami qui est photographe, qui a fait un essai comparatif pendant 2 semaines et il n'y a pas photo. J'ai pas fait exprès. Mais et c'est le Nikon qui est vraiment top. Mais vous avez peut-être pu être bombardé par plein de pubs et de Nikon et de Canon, etc. Mais et quand même d'être tenté par écouter ce que cette personne a dit, qui a l'air de s'y connaître et qui en plus connaît quelqu'un. Donc, recommandation de quelqu'un que je connais. Le consumer opinions, c'est quelqu'un qui va poster son opinion sur un réseau, sur un site. Regardez, vous avez tous utiliser instantanément TripAdvisor en vous retrouvant dans une ville que vous ne connaissez pas. Vous dites, bon, je vais aller manger quelque part. Je fais où? Je vais sur TripAdvisor et puis là, je vois que sur les 250 restaurants de la ville, il y en a 2-3 qui ont l'air plutôt chouettes, qui sont dans le top des recommandations. Plutôt faire confiance à ça que juste de m'aventurer comme ça ou en faisant confiance au concierge de l'hôtel. Ça, la même chose, consumer's opinion. Des éditos dans de la presse quotidienne et des articles. Là, on arrive. Donc, c'est pas de la pub, c'est un journaliste qui va parler de votre marque, donc on est dans du earned. Les sites web des marques, là on est dans du owned. Les emails pour lesquels j'ai souscrit, donc j'ai accepté de recevoir de l'information de l'annonceur. Et puis, la pub sur la télé. Ah ouais, ça fait ça, c'est bien. Je ne sais pas si vous êtes né un petit peu plus tard que ça, mais je me souviens de certains produits dans les supermarchés où ils avaient mis un autocollant en disant « vu à la télé ». Et parce qu'on avait vu le truc à la télé, ils ont fait de la pub à la télé, c'est que c'est certainement bon, quoi. Il faut le recommander. Donc, je vais acheter ça plutôt qu'un autre produit qui n'est pas passé, lui, à la télé. Complètement con. Aujourd'hui, j'ai même vu des campagnes qui disaient « vu sur YouTube » plutôt que « vu à la télé ». Le sponsoring, la pub dans les magazines, etc., etc. Et puis bah, toute la radio et tout ce qui est paid, et on est chaque fois en ordre de décroissance. Mais déjà même ici, hein, la pub à la télé, c'est 53% don't trust much ou at all. Et puis online video ads, important, on ne croit pas ce qui vient sur des banners, c'est un peu du bullshit. Alors dans ce ranking, nouveau ça, pour votre culture, ce n'est pas quelque chose à retenir, ils font le top ranking des marques qui sont les qui investissent le plus en paid, et on voit l'évolution année par année, qui n'est pas mise à jour, mais je crois que c'est toujours à peu près les mêmes acteurs. Les top marques qui sont en owned, et là on va trouver, alors j'ai pris hors marque média, sinon il n'y a que les TF1, les France 2 et les médias de ce monde. Mais en dehors des médias, on voit que c'est quand même beaucoup d'annonceurs qui ont une présence forte avec leur shop, soit La Poste, McDonald's, la SNCF. Et puis, les marques qui investissent le plus en earned, les constructeurs automobiles et évidemment toutes les marques digitales. Alors, un des exemples pour illustrer ça, c'est IKEA qui même plutôt bien sa marque en paid, owned et earned. Désolé pour la qualité des slides, c'est pas moi qui fais les up. Le premier média, point de vente, ben oui, le owned est vraiment très important. Quand vous allez chez IKEA, il y a une véritable expérience. Et il y a des petits trucs qui ont été analysés, qui sont vraiment c'est très très smart. Que ce soit le crayon, les boulettes sauce tomate, le mètre que vous ramenez, ça fait partie de votre expérience. Le sac, le catalogue, c'est tous des touch points qui appartiennent à IKEA et qui consolident la confiance qu'on a envers cette marque et votre expérience consommateur. Il n'y a pas ça partout. Quand vous allez chez Carrefour, vous n'avez pas le même genre de petits trucs additifs qui font que vous avez un attachement à vous rendre chez IKEA. Les hot dogs à 50 cents quand vous avez terminé vos courses et vous blindez de moutarde et de ketchup à volonté, ça fait partie aussi de... Donc il y a beaucoup de owned innovants, même quand vous êtes à l'arrivée dans le parking, il y a toujours une petite touche d'humour, l'air de l'assiette est à 1550 cents, il y a toujours un petit peu de clin d'œil dans leur communication, et puis évidemment toutes les activations digitales. Et quand ils sont en paid, eh bien, oui, ils font de la bonne pub, qui a toujours aussi un côté un peu humoristique, mais ils font parfois aussi un peu d'événementiel. Alors on a vu, vous avez certainement vu des choses comme ça dans le métro, où on redécore complètement une rame de métro ou un abribus, ce genre de choses assez intéressantes. Donc ça c'est, on a vu le owned, le paid, il y a les campagnes traditionnelles, plus des campagnes qui sont payantes, mais intéressantes et très impactantes, qui vont générer des RP, relations publiques, et qui vont générer du earned, parce que les gens l'auront vu, auront photographié l'abribus décoré, auront été dans la rame de métro à s'asseoir sur un sofa en cuir. Mais c'est des choses qui vont relayer sur le réseau en disant « je vais faire un truc assez incroyable » ou « ils vont se faire un selfie ». Donc ça, c'est du paid sur le terrain qui génère du earned. Mais ce qui est génial, c'est que la marque est tellement forte qu'elle a beaucoup de fans et pas simplement des followers sur la page officielle de Facebook, de IKEA, pardon. C'est qu'il y a beaucoup d'initiatives de gens qui vivent dans la culture IKEA. Alors, il y a les IKEA Addict, la communauté francophone des addicts d'IKEA, qui vont vous donner des trucs et astuces comme Pump My IKEA, où si vous avez acheté un meuble pour qu'il ne ressemble pas au meuble de monsieur et madame tout le monde, ils vous donnent des conseils pour l'améliorer, juste changer quelques boutons et faire en sorte que ce soit un meuble très personnalisé. Une cinquantaine de fanpages qui concernent les petits crayons. Je ne sais pas ce que les gens ont raconté sur les petits crayons, ce qu'ils en font, mais voilà, ça existe et c'est alimenté. Une trentaine de fanpages qui concernent les boulettes de viande. Et une trentaine de fanpages qui concernent les fameux hot dogs. Voilà, donc tout ça pour dire, c'est quand même très très important pour le marketing de IKEA, de pouvoir compter sur ces communautés et des initiatives qui sont purement personnelles, mais qui font du bien à la marque. Et donc, parmi tous les retailers, IKEA est quand même le leader en termes d'investissement en earned, d'activité en earned par rapport aux autres. Alors, juste à retenir, c'est que le paid et le earned et le owned vont s'influencer les uns et les autres, mais qu'en fonction des secteurs, ce n'est pas toujours de la même manière. Dans le secteur de l'électronique et du high-tech, le paid, en général, on est vraiment sur des modèles statistiques, va influencer à 16% le earned va influencer à 10% le owned va influencer à 40% le earned, etc., etc. Et on voit comme ça, secteur par secteur, quel est le lien entre le paid, le owned et le earned. Je ne vais pas retenir les chiffres. Pour vous dire qu'il y a quand même un lien important, et ce n'est pas le owned qui génère uniquement du earned ou le pay qui génère uniquement du earned, puisque un bon earned peut ramener sur des touch points et donc le owned et ramener les gens sur les plateformes. Alors, un autre exemple d'une marque qui fonctionne très très bien, de manière un peu disruptive sur du owned, avec une approche dans ces magasins qu'on ne connaît nulle part ailleurs, et qui va générer énormément de earned. Et donc c'est un annonceur qui ne fait quasi pas de pub traditionnelle, qui compte sur ce que les gens racontent sur les réseaux sociaux et la manière dont ils se prennent en photo dans leur magasin. Et donc, mesdemoiselles, juste pour plaisir des yeux, Abercrombie. C'est assez génial comme trouvaille parce que, en effet, les mecs au six-pack attirent beaucoup de jeunes filles et font beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux. Et donc, toutes les nanas qui rentrent dans un magasin et se font prendre en photo vont évidemment poster ça à leur communauté. C'est une publicité totalement là, quasi gratuite. Pour Abercrombie sur Insta ou sur d'autres plateformes, sur Pinterest, avec des tweets dédicacés. Donc ça, c'est une approche assez intelligente qui permet à Abercrombie de quasi ne pas faire d'investissement publicitaire traditionnel. Mais le must, l'annonceur qui jusqu'à aujourd'hui a dominé le earned de la manière la plus incroyable possible, c'est à votre avis, c'est qui? La marque qui a fait le plus grand buzz dans l'histoire du marketing. Apple? Ah. Des réunions de power. Oui, oui, ça fait du bouche à oreille. Ça fait du bouche à oreille. Non, non. Sur les réseaux. Sur les réseaux et en digital. Quoi? Avec qui? Je ne sais pas qui parle, en fait. Félix Baumgartner, machin. Félix Baumgartner. Alors, pour ceux qui ne s'en souviennent plus, une petite minute de mémo. Sponsorisé par la marque, hein. C'est pas la NASA qui a pris l'initiative, c'est Red Bull qui s'est dit on va marquer le coup. Voilà, vous voyez les chiffres, hein, 730 000 fans, 425 millions de vidéos vues. C'était, alors je sais pas si vous vous souvenez d'avoir vécu en direct, mais au bureau tout le monde s'est arrêté pour regarder ce truc-là. C'était un événement mondial. Retransmis en live sur un site web. Tout le monde a parlé de ça. Voilà. Alors on attribue à Red Bull dans les volumes de requêtes, évidemment. Record requête pour cesser les statistiques. Alors, évidemment, par rapport aux concurrents, on n'a pas beaucoup entendu parler de leurs concurrents pendant ce mois-là. C'est Coca-Cola. Ce qui est surtout intéressant, c'est que c'est du earn qui marche à tel point que d'autres marques viennent se greffer sur l'événement. Et donc KitKat qui a Have a Break, qui est venu avec cette initiative. Donc ça prouve que c'était une conversation vraiment un manga. Plus des autres qui ont surfé sur le web. Alors ça a l'air très compliqué, je vous rassure, je vais simplifier. L'évolution de la pub, avant de rentrer dans les campagnes digitales et notamment les stratégies participatives, donc on vient sur le deuxième chapitre, enfin le deuxième sujet du jour. On a vu le modèle Paid on Earned, on a vu aujourd'hui que le graal absolu pour les annonceurs et les publicitaires, c'est d'essayer de générer pas mal de Earned. Mais pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là? Alors, j'aime bien toujours resituer les stratégie communication dans un contexte plus global. Savoir que la publicité, elle évolue selon deux choses. Elle évolue en fonction du contexte de la société, les tendances politiques, et donc les habitudes du consommateur, mais aussi l'évolution de la technologie et des médias. Alors, si on revient au début du 19e siècle, présence. Donc, on avait d'abord 1850, aux alentours des années 1900, on avait de l'affiche et de la presse. L'affichage a été le premier média. si vous prenez un historien de la communication, et en effet, que le premier message publicitaire, c'était dans les cavernes quand les hommes de Cro-Magnon expliquaient comment ils avaient chassé le bison, et donc c'était les premières formes de pub. Alors, ce qui est important, on ne va pas remonter jusque-là, c'est que, au départ, sur ces médias-là, il suffisait de prendre la parole pour un annonceur pour avoir un effet sur la population. Parce qu'il y avait pas peu de produits d'abord, mais il y avait encore moins de produits qui faisaient de la pub. Vous alliez chez votre épicier du coin, il n'y avait pas encore de grand supermarché, et l'épicier allait se fournir à gauche et à droite, et c'est lui-même qui fabriquait son packaging. Donc même si vous alliez chercher un savon qui venait d'une marque, cette marque n'avait pas encore déterminé un packaging. Vous aviez le nom de l'épicier qui était sur du papier kraft. Et donc l'importance du logo à cette époque-là, l'importance de la reconnaissance packaging n'existait pas. Elle est venue seulement après. Et donc la présence, c'était juste ça. Ford qui dit buy it because it's a better car. Et on donne un prix. C'est quand même génial. Hein. Ça, c'est une force de conviction. Il suffisait donc de juste prendre la parole, d'être dans les journaux, et dire on existe, et les ventes suivaient. Là, les magnifiques choses qui m'ont été faites dans les années 40, puis les années 60, avec un peu plus d'humour. Magnifique campagne de Bill Bernbach. J'adore. Ça marche encore aujourd'hui. Hein. It makes your house look bigger. C'est parce que c'est une petite voiture. C'est assez sympa. Donc, aspect, et puis on est venu sur une petit à petit dans les années 1920, on est arrivé sur une communication. Il fallait pas juste être présent et faire de la notoriété, il fallait commencer à dire en quoi on était supérieur. Il fallait expliquer pourquoi le frigo, c'était. Ne cherchez pas les imitations, hein. Vous avez peut-être entendu parler des vieilles pubs ou des vieux spots radio disant choisissez l'original et évitez les contrefaçons. C'était des messages souvent utilisés pour dire bon, il y a deux concurrents, mais nous on est meilleurs. On n'explique pas pourquoi on est meilleurs, on dit simplement qu'on est meilleurs et on prend la parole de manière publicitaire pour le dire. Et puis aux alentours des années 50, on est arrivé sur une différenciation produit. Pourquoi ? Parce qu'on est sorti de la... C'est l'après-guerre, c'est l'époque du consumérisme américain, les foyers sont en train de s'équiper, de se suréquiper, notamment aux États-Unis, et puis un peu plus tard chez nous. Tout le monde commence à avoir sa voiture, son sèche-linge, sa machine à laver, son four, sa télévision, etc. etc. Alors qu'avant, il n'y avait que les familles très très riches qui pouvaient commencer à s'équiper et pas les autres. Là, on arrive sur la classe moyenne qui commence à s'équiper comme tout le monde. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a de plus en plus de fabricants qui mettent à disposition des nouveaux produits. Et il ne suffit plus de dire « achetez mon produit », il faut dire pourquoi on va l'acheter. Et on est venu sur une différence produit où, je prends un exemple, on avait 4-5 types de frigos, avec un frigo spécialisé parce qu'il y avait un frigidaire incorporé, un autre qui permettait de mettre toutes les salades dedans, etc. L'autre qui permettait d'avoir énormément de place pour les bouteilles, etc. Et donc, on commençait à communiquer sur les particularités de mon produit versus les autres pour faire en sorte que les familles s'y retrouvent et fassent plus facilement leur choix. Et donc, la communication, elle était essentiellement sur des attributs ou sur des fonctionnalités du produit. On arrive dans les années 70-80, on n'est plus en train de faire juste la différence produit, on a commencé à faire de la différence de marque, parce que tout le monde s'est équipé. Il y a, vous arrivez dans un rayon, et, au niveau de la confiture, peut-être que dans les années 60, il y avait 3-4 types de confiture. Là, vous arrivez dans un rayon, il y en a 25, avec des origines complètement dingues, des fruits dont vous n'avez jamais entendu parler. Qu'est-ce qu'il va faire ? Votre choix, c'est un peu bizarre. L'importance de la marque. la confiance dans la marque, le côté sexy de la marque qui va attirer certaines personnes et pas d'autres. Exemple, vous allez aujourd'hui dans un magasin, vous avez deux sweatshirts verts, un sweatshirt qui est non brandé, avec une très très bonne qualité de coton et qui va vous coûter 50 euros, et juste à côté, un sweatshirt même couleur verte avec le swoosh de Nike qui va vous coûter 65 euros. Ma main a coupé que vous allez, dans la plupart des cas, acheter le Nike parce qu'il y a le swoosh, parce qu'il y a une identification aux valeurs de la marque, même si l'autre est de meilleure qualité. En tout cas, c'était comme ça que les gens fonctionnaient. Ils étaient prêts à payer plus pour acheter une marque qui était empreinte de valeur et qui allait permettre à l'individu de s'identifier. Autre exemple, dans les années 80, on était dans des endroits branchés et on adorait commander, pas une eau pétillante, mais un Perrier. Le Perrier avait fait toute une campagne sur Perrier c'est fou. Et on s'achetait un peu de vent de folie en consommant du Perrier, même si c'était presque deux fois le prix d'une eau pétillante concurrente. Donc la différence de la marque a commencé à être très importante. Et pour faire la différence, il ne fallait pas uniquement communiquer sur le produit, il fallait commencer à donner une personnalité à la marque et venir avec ce que j'ai appelé moi la publicité spectacle qui va arriver un petit peu plus tard. On va voir ici. C'est notamment Apple, vous avez tous vu certainement le spot 1984. C'est ce que j'appelle la pub spectacle. On injecte un paquet de pognon, on va essayer de venir avec une super production pour marquer les esprits et faire en sorte que les gens parlent de nous. La pub spectacle, elle est aussi de la pub humoristique. Ça, c'est quand même la culture anglo-saxonne qui a commencé à influencer la pub, où on s'est dit on va venir avec des sagas et où l'humour va être une valeur qu'on va attacher à la marque. Vous ne connaissez peut-être pas la marque ici, Hamlet Cigar. C'est un bête cigarillo, pas très très bon. Je ne vous parle pas d'un super bon Havane. C'est vraiment des bêtes cigarillos qu'on trouve au tabac du coin. Et ils ont fait tout leur succès marketing un peu partout, mais surtout en Angleterre, grâce à ce genre de spot. Là, je vous en montre un, mais sur YouTube, il y a une kyrielle de spots qui sont construits exactement de la même manière, en venant avec un claim qui est « Happiness is a cigar called Hamlet ». Et donc, ils ont toujours mis en scène des gens qui sont un peu des losers, à qui leur arrive plein de problèmes, et finalement, pour se réconforter, à la fin, ils fument toujours un cigare Hamlet sur exactement le même morceau de musique. On pourrait voir ça ici. Il a aussi été un des spots les plus primés à l'époque. Thank you. happiness is a cigar called Hamlet, the mild cigar. Néanmoins, je trouve intéressant de voir l'évolution. On arrive maintenant aux années 2000, où la pub spectacle elle continue à vivre. Il n'y a rien qui s'arrête jamais tout net pour passer à autre chose. On est toujours sous des phases, un peu la tectonique des plaques. Donc la pub spectacle, elle existe encore. Il y a toujours de magnifiques campagnes faites avec énormément de moyens. Mais on est rentré dans plutôt une relation avec le consommateur et dans l'interaction pour arriver après à ce sur quoi je vais passer un petit peu plus de temps, sur la participation. L'interaction, mais c'est l'arrivée des blogs et sites web, oui, mais aussi des gens qui sont sur YouTube et qui commencent à devenir un petit peu des vedettes avant l'heure. Je vais vous montrer ici une campagne. D'abord, montrer ceci. C'est une campagne qui a gagné à Cannes, mais ce qui est important, je crois que c'était une campagne en Argentine. Ce personnage, qui n'est pas du tout un personnage connu, a été pendant un mois une star auprès de la jeune génération. Je vais un peu vous briefer, mais il a travaillé pour une société qui s'appelle Arnet, et qui est en fait le Proximus local, qui vend des connexions Internet à DSL à l'époque, pour un prix assez intéressant. Et il s'agissait quoi ? De faire une campagne promo. Et plutôt que de faire une campagne promo habituelle en télé, ils sont venus avec une campagne épisodique où chaque semaine, le personnage réapparaissait sur les réseaux sociaux, aussi également un peu en télévision, quand même, mais essentiellement sur les réseaux sociaux, avec un style qui n'est pas du tout publicité spectacle, qui est vraiment cheap, mais qui a été très efficace. Voyons ça. ¿Cómo estás? Mi nombre es Juan Manuel Fraga y soy pelado, por si no te diste cuenta. Me llegó el dato que hay una clínica en Canadá donde hacen implante de pelo por pelo. Imagínate, para mí sería un sueño. Por eso hice un trato con la gente de AMED, donde por cada nuevo cliente, por cada persona que se suscriba a MED 640K, a solo 19,90 los primeros 6 meses, promo noviembre, yo recibo el implante de un pelo. O sea, un pelo, un nuevo cliente. Llama, métete en mi página www.todosporunpelo.com.ar. Sé solidario. Dame un pelo. Gracias a las miles de personas que se suscribieron a MED, yo ya recibí un implante de la mitad de mi cabellera. Ahora, no quiero sonar como un desagradecido, pero mira lo que soy. No me puedes dejar así. Parezco moderno. Dale, suscríbete a MED 640K a solo 19,90 los primeros 6 meses. Promo noviembre. Porque un cliente nuevo es un pelo nuevo. Y pelo a pelo lo vamos a lograr juntos. Vos y yo. ¿Pensaron que Lupi o qué? No. Soy yo, Juan Manuel Fraga. ¡Qué éxito! ¡Qué éxito! Puedo hacer una publicidad en shampoo. Ay, gracias. Gracias a los que aprovecharon la promo noviembre de AMED y a los que siguen suscribiéndose a AMED 640K a solo 19,90 por 6 meses. Se me metió un pelo en la boca. No quiero olvidarme de nadie. Este pelo es tuyo, Claudia, de Santos Lugares. Familia de Pincio de Formosa, gracias por el apoyo. A todos los medios de apoyo, no puedo contestarlos todos. Gracias. Gracias por el pelo, Argentina. Solidaridad. Antes que nada, quiero que sepan que yo estoy muy agradecido por lo que hicieron por mí, ¿no? Pero en el contrato decía que por cada persona que se suscriba a MED 640K a solo 19,90 por 6 meses, promo noviembre, yo iba a recibir el implante de un pelo. Y no te imaginé semejante repercusión, ¿no? Parezco un labrador. Ahora acabo de cortar con la gente de América y 5.000 nuevos clientes. Yo digo, ¿no? ¿Dónde me van a implantar más pelo? ¿Qué quieren? ¿Que sea la mascota de Arlet? ¿Eh? Y cante Arlet, Arlet. Ya te la asumé. Acabo de cortar con la gente de Arlet. Me propusieron ser la mascota de la marca. Quieren hacer muñequitos con mi cara, remera, gorro, cepillo de dientes, hisopo, escobillón. Pero no sé, no estoy muy convencido. Entonces, charlando, hicimos un nuevo trato. Por cada persona que se suscribe a Arnet, 640K, a solo 19,90, yo recibo la depilación definitiva de un pelo. Dale, ayúdame. Suscríbete a Arnet. Métete en mi página www.todosporunpelo.com.ar. Solidaridad. Sácame un pelo. C'est mon message. Voilà, je trouve que c'est assez fantastique pour une simple promotion un prix barré pour avoir la DSL, c'est quand même assez intelligent. C'est surtout intelligent parce que c'est un concept qui permet de rentrer dans un certain dialogue et une complicité avec la communauté et de gagner du earned media. Puisqu'il y a beaucoup de gens qui ont commencé à parler de ce gars, Juan Manuel Frega. On a vu des posters dans la rue, on a commencé à poster des choses sur lui. Donc il y a eu un taux d'engagement important et c'était pour moi une des premières fois en tant que publicitaire où on se dit à partir d'un truc qui aurait pu être fait par n'importe quel gars dans son garage, c'est assez cheap, ce site ressemble à rien, enfin, on sent que c'est fait un peu exprès, mais ça a permis quand même de toucher toute une tranche de la population et d'être efficace au niveau du résultat. Donc on n'a plus besoin de faire de la publicité spectacle avec des magnifiques mannequins et des moyens extraordinaires. La preuve en est aussi, c'est que depuis que le digital est arrivé et les moyens vidéo étant plus light et plus léger, je me souviens, quand je travaillais chez Duval Guillaume, on disait aux clients, ne nous demandez pas de faire un spot télé ou un spot court si vous n'avez pas en dessous de 150 000 euros. On ne commence pas, on ne fait pas ça. Aujourd'hui, avec le digital, on fait des trucs plutôt très très bien pour 25 000 euros ou même 15 000 euros. Et on fait ça dans des temps plus courts, avec voilà, des moyens, des bouts de ficelle, mais où le résultat, le spectateur, pas simplement le téléspectateur, il s'en fout si ça a coûté 250 ou 25. Tant que ça l'amuse, qu'il y ait un truc intéressant et qu'il puisse partager des choses qui le valorisent sur les réseaux sociaux. Et ça, je pense que c'est un tournant dans la manière de travailler des agences, c'est de comprendre ça, que la formule d'avant qui était... Quel est le message qu'on veut faire passer? Est-ce que c'est une différence produit? Est-ce que c'est une différence marque? Si c'est une différence marque, comment est-ce qu'on investit dans la publicité spectacle pour que les gens trouvent que cette marque est fantastique et soient prêts à payer beaucoup plus pour le produit? On est passé dans une autre ère. Aujourd'hui, il faut venir avec du contenu plutôt intéressant, apporter un petit plus dans la vie des gens. Là, on m'apporte un peu d'humour et on ne me bullshit pas non plus. Et sans claquer un paquet de pognon pour m'en mettre plein la vue, parce que ça ne marche plus, certainement plus, aux yeux de votre génération et de la génération Z. Alors dans le contexte, c'est vrai que le consommateur a changé. Vous avez tous évidemment entendu parler du Empowered Customer. C'est un internaute qui a pris les choses en main, qui modifie la relation entre annonceur et client. On l'en fout un peu à toutes les sauces, hein, Web 2.0, Marketing 3.0, enfin on parle maintenant de 3.0, mais je ne vais pas vous interroger là-dessus, je vous rassure, je vais passer ça, parce que c'est pas ce qu'il y a de plus. Enfin, je ne veux pas montrer tout le spot, mais la preuve que le consommateur a le pouvoir aujourd'hui, ou en tout cas un contre-pouvoir, c'est qu'il peut faire vaciller facilement des annonceurs ou des entreprises qui ont pas mal de pognon. Quand on n'est pas content et qu'on fait savoir, ça peut avoir des répercussions, alors qu'auparavant on n'avait pas ce pouvoir-là. Alors ici c'est l'histoire d'un musicien qui a voyagé avec une compagnie d'aviation américaine et qui a demandé qu'on prenne bien soin de sa guitare. Et quand il est installé dans l'avion, il voit que les mecs balancent sa guitare dans la soute et que la caisse tombe par terre et que sa guitare est cassée. Ça fait presque un malaise dans l'avion et en arrivant à destination, il trouve en effet sa guitare cassée et puis il s'en plaint au desk chez l'hôtesse qui lui dit va faire voir, c'est qu'elle était déjà cassée avant. Il décide de rentrer, il fait un petit clip cheap qu'on va voir avec ses potes musiciens, il va faire le tour du web et qui va permettre de générer suffisamment de buzz pour que le patron de la compagnie aérienne non seulement lui rembourse sa guitare, mais lui présente des excuses officielles dans les médias. Magazine, on est vraiment début des années 2000, hein, dit que ce United Breaks Guitar est listé numéro 7 au ranking des vidéos virales, les plus virales de 2009. Un demi-million de vues, 5 millions à la mi-août, 10 millions en février 2011, et là on a le patron. C'est des American Airlines qui commencent à paniquer et qui officiellement présentent ses excuses à la presse et enfin un communiqué de presse parce qu'il a peur que ça commence à faire du grabuge et qu'il perde des clients à cause de ça. Donc ça, c'est intéressant. Et en Earl Media, eh bien, il y a d'autres personnes, il y a des ONG qui profitent de ça. Alors, c'est toujours aussi intéressant, c'est pour gagner du Earl Media, on fait des pastiches de campagnes publicitaires. Souvenez-vous de cette campagne ici. C'était avant le Dieselgate, mais certains déjà problèmes. Non, c'est le scandale du Dieselgate. Qu'est-ce que Greenpeace fait? Ils font la suite uniquement sur les réseaux sociaux et en Earth Media. avoir un nombre de vues assez incroyable. Because the chief executives of some of the world's biggest car companies are having a meeting where they're going to make a really important decision about whether or not to continue opposing a key European climate law that would help clean up our cars and really help the planet. Bon, on a compris. Donc, le pouvoir des réseaux sociaux, on était donc à la fin de cette évolution de la publicité où les codes ont changé, et un des codes aujourd'hui qui est dominant, c'est de pouvoir non seulement faire des choses qui sont plus réelles, qui parlent, qui donnent un contenu plus intéressant pour le consommateur, mais c'est aussi d'inviter le consommateur dans la campagne et donc venir avec des stratégies participatives. Ça, on a vu. Donc ça veut dire essayer d'inclure et de générer du bouche à oreille en faisant participer la personne, soit dans la campagne, soit même dans la réflexion marketing. Alors dans les meilleurs exemples que j'ai pu trouver jusqu'à présent, il y a notamment la promotion du dernier album de Oasis avant leur séparation, des deux frères. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc l'album était déjà sorti en Angleterre, mais c'est la sortie de l'album aux États-Unis. Et plutôt que de faire un lancement traditionnel, la volonté était de marquer un peu le coup et de jouer justement cette carte très participative. En se disant, on va aller chercher des passionnés de musique et faire en sorte de toucher leur communauté avant le lancement officiel. Vous savez, en général, un lancement officiel d'album, il y a un preview sur certaines plateformes, hein, comme iTunes, où on se met d'accord avec une chaîne radio ou une plateforme pour que l'album soit en pré-écoute avant de pouvoir l'acheter. Ici, rien de tout ça. Il n'y a pas un single qui est sorti avant l'album. Ils se disent, on va aller voir des gens passionnés par la musique qui sont en fait les musiciens de rue. Des gens qui tous les jours à New York sont pas des gens qui sont des vrais artistes. Pour arrondir le fin de mois, jouent là presque en permanence tous les jours, et on va aller recruter ces différents musiciens de rue et leur proposer de les coacher pendant toute une journée avec le groupe Oasis, où ils vont pouvoir pendant une semaine jouer en exclusivité le premier single d'Oasis qui n'aura jamais été entendu nulle part ailleurs, ni en radio, ni à travers une plateforme. Ce sont ces musiciens-là qui vont, pour la première fois, faire écouter aux citoyens de New York le nouveau morceau. Et ils leur disent, en allant les voir, on ne veut pas que vous changiez de style, on ne veut pas que vous commenciez à imiter Oasis. Vous allez juste jouer la partition avec votre style à vous. Et on va assumer un reportage sur vous, sur ce que les gens pensent. On va créer un circuit dans New York où on peut aller écouter le même morceau, mais avec 15 ou 20 versions différentes. Et on va essayer d'en faire un petit film. Et ça, ça génère beaucoup de bouche à oreille. Bon, je ne sais pas si vous imaginez le fait d'être sélectionné et puis d'être accueilli toute une journée et coaché par le groupe Oasis. Ben, vous allez évidemment vous faire des selfies, vous allez dire, mais là je viens de passer deux heures à jouer de la guitare avec un des Gallagher, c'est incroyable. Donc ça fait évidemment un peu de bruit, même si ce n'est pas du bruit au niveau international. Ça fait du bruit dans cette communauté qui va apporter beaucoup d'enthousiasme et de positivisme. Et ça commence comme ça avant le lancement officiel. Et la deuxième chose que je trouve vraiment incroyable, c'est pendant une semaine, vous prenez le métro, et vous allez, en général, vous prenez le même métro pour aller au boulot et vous revenez. C'est un peu perturbant, excusez-moi. Vous êtes toujours dans la même bouche de métro le matin et le soir, ça veut dire que vous allez entendre une musique qui, la semaine suivante, quand ça passera pour la première fois en radio, vous allez dire, j'ai entendu ce truc quelque part. C'est assez clever au niveau marketing. Voyons ce que ça donne. I was out just making a little extra cash at Washington Square Park, and a young woman came up to me and she described to me that basically what they were doing is leaking four songs from Oasis's new album, and they were going to put them in the hands of street musicians. So I guess the idea was where the music would ultimately end up, they wanted to start there. Get off your high talk, lady. I don't need no ride tonight. Well, I appreciate the guy that's going to make a living off. Playing tunes all in the same boat, really. My dream was to be big and all that stuff, but you know, I think I did it for the right reasons. You get caught up in the new part of it all. And all it's about is the music, really, and the tunes, and I think that's what that is like. I love Oasis, especially Wonderwall, because I played that song 1995 to 98, and it paid my rent for 3 years. Good, wow. Me too. I still paid it. Well, I actually remember their site, the Oasis Network, so I found it through their website. So the big news is being on the website, and then pictures of the New York City website with all the time and everything. And I just said, hey, I'm going. Voilà, assez brillant, du Earls comme point de départ. Mais donc on joue sur la carte très participative, et on va en voir pas mal d'autres. Alors, c'est important, si auparavant on disait que la valeur d'une marque c'était essentiellement le bénéfice émotionnel, le bénéfice fonctionnel. Aujourd'hui, dans les réflexions stratégiques, le bénéfice participatif, est-ce que en, en, en regardant une campagne ou en regardant un post, ça m'apporte quelque chose. Et si je me transfère, ça apporte quelque chose à ma communauté et à mes amis. Et ils vont me remercier ou ils vont me trouver plutôt cool. Ça, ça fait partie aujourd'hui des choses qu'on intègre dans les réflexions. Autre exemple de stratégie participative, Laze, qui chaque année relance son concours qui dit « Définissez-moi un goût exclusif qui n'a jamais été fait et si vous le trouvez, et si on vote pour votre goût, vous allez non seulement gagner 25 000 euros, mais également 1% des ventes. » Chaque année, il demande aux gens de soumettre des goûts complètement dingues, il demande à la communauté de ces personnes de se mobiliser et de voter pour ce goût, le goût préféré. Évidemment, vous avez mobilisé vos copains, vos copines pour dire j'ai inventé des chips au goût avocat. Je suis sûr que ça va être top. Vous avez envie de gagner 25 000 euros, donc vous allez évidemment faire un peu votre propre campagne de promotion pour que les gens votent pour vous. Mais ce qui est génial aussi, c'est que une fois que vous avez 25 000 euros, vous allez continuer à faire la promotion de votre goût. Donc c'était il y a 2-3 ans, une Belge qui avait gagné, qui avait inventé les Lay's au goût Biki Burger. Voilà. Et qui, évidemment, je pense à toutes les soirées cocktails dans lesquelles elle a été invitée, a dû ramener des paquets de Lay's pour dire « Ah, goûtez, c'est super bon !» pour espérer que plein de gens en achètent, puisqu'elle récupère chaque fois 1% des ventes. Donc, ça, c'est vraiment stratégie participative, même pas au niveau de la communication, au niveau du marketing. Parce qu'on décide d'impliquer le consommateur dans la fabrication d'un nouveau modèle, pas d'un nouveau modèle, d'un nouveau goût, pour être sûr de son succès. Vous connaissez Delacre ? Vous savez que Delacre a une petite boutique en ville où ils ont mis en place une pâtissière qui vend notamment les Delacre industriels, les cigarettes russes et les marquises, etc. Mais elle dispose dans son atelier des ingrédients de base de Delacre et chaque semaine, elle fait des tests et elle invente des nouveaux desserts, des nouvelles sucreries qu'elle vend à des touristes, à des Belges qui passent par la boutique. Qu'est-ce qu'ils font ? C'est qu'une fois par mois, il y a le responsable de la recherche et développement de chez Delacre qui va voir cette pâtissière et qui lui dit « Moi, j'ai essayé 4-5 nouveaux produits ce mois-ci. Il y en a un qui fait l'unanimité, qui est un vrai succès, parce que les gens reviennent. C'est ça. » Et le gars du Research and Development regarde, teste, et puis se demande comment industrialiser cette production locale pour éventuellement pouvoir vendre un nouveau biscuit de l'acre qui aura, non pas, on n'aura pas juste fait quelques focus group, on aura déjà testé le succès de ce truc-là, parce qu'il y a une communauté de gens qui sont déjà revenus demander ce produit. Et donc cette nouvelle stratégie participative, même au niveau du marketing, commence à devenir très intéressante. Alors dans la communication participative, on a parfois même des campagnes de télé qui sont participatives. On va via Twitter, on va commencer à développer de la création qui va faire appel juste à... aux commentaires des gens. Boys to men, turn tweets into love songs for at Wendy's. I'm just saying. Yes, yes, yes. Why I drive myself. là, il y avait nouveau une série spéciale de Bretzel Bacon qui ne devait pas rester très très longtemps. Et puis ils ont fait une campagne en demandant aux gens envoyez-nous des tweets pour dire que vous adorez ce truc-là. Et puis à partir de ces tweets, on en fait une campagne qui est passée sur les réseaux sociaux, peut-être éventuellement un tout petit peu en télé. Mais c'est assez sympa de voir dans le clip que votre phrase a été mise en musique par les Boyz II Men, qui sont un peu ringards aujourd'hui. C'est toujours assez intéressant. Alors dans la même mécanique créative, ceci également sur Twitter, challenge sportif. Horse is a basketball shot matching game played in driveways and schoolyards around the world. Foot Locker took it up a notch, giving their fans the chance to play horse against James Harden, one of the best shooters in the NBA, all through social media. We asked fans to tweet, Vine, or Instagram short videos of their best shot, hashtag horse with Harden. Then, at 7 p.m. on October 1st, James Harden took on the internet. If James matches one of the shots, the internet gets a letter. If James misses, he gets a letter until someone spells horse and loses that game. First, James was shown a shot. All right, this is what's happening. He's got the Kareem Abdul-Jabbar afro thing going, and he's got the hook shot. Let me see you do that one, man. Then, his attempt was filmed with three cameras and fed directly into a live edit. The video of James' shot was tweeted out instantly, along with the current score. So Foot Locker fans saw the games unfold in their newsfeed. Ooh, Lord. Horse with Harden had a reach of 61 million people. Foot Locker's homepage had nearly 10 times the normal amount of traffic. And YouTube subscriptions went up 350%. So who ended up winning? Well, James, he's an NBA player. Internet to go first and help us build anticipation and conversation for the moments yet to come. How? Hello, green. Green's green, green. A month before the show, with the help of our host, Miley Cyrus, we turned our entire campaign and media buy into green screens. From billboards and wallscapes in LA to double-decker buses and subway posters in New York. And we even turned our national TV buy into green screens too. But what good are green screens if the internet can't get their dirty little hands on them? Every piece of media drove traffic to mtvvma.net, a completely open source site where people could download every green screen billboard, TV spot, and piece of exclusive VMA performer content and make whatever the hell they wanted. The internet went crazy. Thousands upon thousands of fans posted thousands upon thousands of pieces of VMA art, spreading news and conversation and promoting the show's big name acts far beyond our traditional media buy. Then, 2 weeks out from the show, we chose our favorites and swapped out every green screen for a piece of fan-made art. Billboards in LA, digital boards in Times Square, wild postings, wallscapes on buildings and in Miley's feed, subway posters in real time on mtvvma.net, outdoor projections, and our entire TV bar. Everything completely and continuously refreshed so that people might never see the same piece twice. And always giving credit where credit's due, because when you give love, you get love. The results? Silly big numbers, like 24 million VMA hashtags, 541 million social engagements, with 64 million interactions on Instagram alone. A viral lift of 2,005%, and an overall reach of 122 billion impressions. And the campaign helped the 2015 VMAs become the most tweeted TV program in television history. All we had to do was give the internet permission to do their thing. And as Kanye said, listen to the kids! La question pourquoi on n'en voit pas beaucoup ici des stratégies participatives comme ça, mais bon, dans le monde il y en a plein, il y en a de plus en plus. À votre avis, pourquoi est-ce que c'est dans l'air du temps? Vous vous souvenez sur la ligne l'évolution du marketing et de la pub. Il y a l'influence évidemment de la technologie. Bah oui, aujourd'hui je fais ma vidéo sur Instagram et puis je défie un basketteur super de la NBA. C'est assez chouette, mais surtout dans l'évolution de la société, c'est le deuxième point. Il y a un truc qui est rentré quand même, qui est dans les mœurs, enfin, qui fait partie de la tendance sociétale, c'est que tout le monde a envie d'être starifié. Vous voyez, toutes les émissions de télé-réalité, les top chefs, c'est des gens qui, au départ, Belgium's Got Talent, ou etc., les gens qui, au départ, ne sont pas reconnus, n'ont pas grand-chose pour être reconnus, peuvent très très rapidement, à travers une émission ou une plateforme digitale, être transformés en héros pendant un certain temps et pendant un certain moment. Je pense que les stratégies participatives dans la publicité jouent sur ce phénomène-là, parce que le fait d'avoir votre message qui est pris en compte et qui est repris dans une campagne, votre graphisme qui est mis sur les murs de la ville, etc., c'est très très valorisant. Vous allez en effet, comme Warhol disait, avoir vos 15 minutes, pour your 15 minutes of fame. Et c'est aujourd'hui ce que tout le monde recherche, et c'est pour ça que les marketeers continuent à développer des mécaniques qui vont dans ce sens-là, parce que ça fait écho auprès d'un certain type de population, comme la télé-réalité aujourd'hui, qui continue à inventer des choses parfois très débiles, mais dans lesquelles les gens s'y retrouvent. Donc ça, c'est, je pense, une des explications. Alors dans les stratégies participatives, on rencontre aussi de plus en plus l'influence des blogueurs, des youtubeurs. Et donc certaines marques, même pour des choses pas très sexy, vont commencer à faire leur campagne à partir non pas de choses shootées avec des mannequins, mais à partir de matériel qui est livré par les consommateurs. Là, c'est une marque permet de lutter contre les boutons d'acné. I call this the control zip delete. Mint tea, blueberry tea. Oh. Maybe not rolling hard enough. Ew. It's really important that you put the control police. If home remedies and acne treatments aren't working for you, it's time for an epi-do-over. So I went to the doctor and he prescribed me epi-do-over. And it actually works. Epi-do-over unclogs pores and kills bacteria to treat the pimples you have and help prevent new ones from forming. It's two antibiotic-free medicines in one. Ask your parents to call your doctor today about epi-do-over. Adapalene and benzoyl peroxide gel, 0.1%, 2.5%. Dryness, redness, peeling, stinging, burning, or itching may occur. Don't use potentially irritating products when using epi-do-over. Overexposure to sun, sun lamps, extreme wind, or cold may increase the risk of irritation. Use of sunscreen and protective clothing is advised. Check out epi-do-over.com and find out how your prescription could cost no more than $25 for a 3-month supply. It's time for an epi-do-over. Je n'ai pas dit que ça c'était fantastique et que j'adorais ce genre. C'est juste une observation, même avec des vidéos vraiment un peu cheap, et ça marche auprès d'une certaine population. Stratégie participative au niveau des jeux vidéo. Vous avez peut-être entendu, aujourd'hui Anderlecht a sélectionné son premier joueur FIFA professionnel. Il va défendre les couleurs d'Anderlecht dans des concours internationaux de, non pas d'équipe d'Anderlecht, mais de gamers qui jouent sur FIFA. Là on est sur... Autre chose, c'est que certains producteurs de jeux vidéo se sont dit que ce serait quand même intéressant de jouer la carte participative en allant chercher un gamer qui joue très bien au foot, mais qui joue très très bien aussi à la manette. Et on va dans chaque pays lui permettre de rejoindre l'équipe nationale de son pays. Vous allez voir, ils ont fait une sélection, ils ont commencé avec l'Espagne, ils ont été dans différentes villes, ils ont fait venir des gamers, et ils les ont fait également jouer au foot, ils ont fait des finales, enfin des demi-finales, des finales, et puis ils ont trouvé la personne qui joue très très bien au foot, et ils l'ont mis devant un green key, en lui demandant de faire plein d'exercices de jonglerie, et de jouer au foot, et donc on a enregistré tous ces mouvements, puis on l'a façonné en avatar 3D, et il a réellement incorporé le jeu de foot. Et donc, quand vous choisissez l'équipe espagnole, eh bien, vous pouvez choisir ce gars-là. Vous imaginez que ce type qui a été sélectionné, l'effet qu'il va avoir sur sa communauté, les RP, c'est quand même assez intéressant de mettre à côté de joueurs professionnels qui ont leur avatar, un mec qui est sorti de nulle part, et qui était juste en fait un gamer. Donc, je pense qu'il va y aussi avoir de plus en plus d'interactions entre les gamers professionnels et les joueurs de foot professionnels ou les pilotes professionnels, et on va rentrer dans un esprit participatif également à ce niveau-là. Y ahora les vamos a mostrar lo que sería un sueño para muchos jugadores de videojuegos. For the launch of PES 2013 in Spain, Konami asked us to take on an exciting challenge. We had to convince video game players that they were looking at the best football simulator ever made. What if they could become one of the players inside their favorite video game? We created Enter the Game. Es lo que le ha pasado a un joven español, Eduardo Morillos. Era un personaje virtual en uno de los títulos de fútbol más conocidos, Pro Evolution Soccer. Los amigos de Konami, pues, han hecho la manchada del siglo. Siempre puedo decir que fue el primer fan en entrar en un videojuego. The winner of Enter the Game had to combine great football and video game skills. Su imagen y movimientos se han digitalizado Japón para que esté a la altura de las grandes estrellas como Messi o Ronaldo. First, we made a 3D model based on his facial. Then we started the motion capture process. We captured his way of moving, shooting, and celebrating goals. Finally, we gathered all the data to build a super realistic avatar. This idea has demonstrated our users the realism of PES 2013. Next year, our international campaign will search for virtual players from all over the world. Du gamer et puis l'enregistrement vidéo, le côté 3D, c'est un paquet de pognon. Pourquoi ils font ça? Parce qu'ils savent que derrière il va y avoir des retombées. Vous avez plus de 100 millions d'euros en équivalent média grâce aux retombées RP. Ils ont peut-être investi 2 millions et demi dans la préparation de ce truc et la digitalisation du joueur, mais qui rapporte finalement beaucoup en communication. Et donc c'est un petit peu ça que les annonceurs recherchent aujourd'hui. C'est d'investir un petit peu pour avoir énormément de retombées. En petit clin d'œil, c'est IKEA qui nous joue aussi la carte participative pour mettre en avant des nouveaux meubles. Ils vont vous inviter à changer de chaise ou changer d'armoire. Mais aussi dans leur spot publicitaire, ils disent « Et on va vous aider aussi à vous débarrasser de vos anciennes chaises ou de votre ancienne armoire en la mettant en vente dans le spot pub. » IKEA is now helping May to sell her old kitchen chairs. The chairs are solid and can be painted in millions of colors. The chairs can be yours for only 100 kronas. May, however, has bought new chairs. You'll find these and several others in the new IKEA catalogue. IKEA is now helping all among us to sell his family's old cabinet. It is so big you can store just about anything in it. Call all among us and the cabinet can be yours for only 100 kronas. All among us, however, has bought a new cabinet. You'll find this one and several others in the new IKEA catalogue. C'est la marque. Vous allez parfois boire un jus de fruit chez Guapa. C'est les blenders qui sont là. Alors, la petite histoire, fondée en 1975 par Tom Dixon, c'est le mec qu'on va voir d'ailleurs dans la vidéo. Quelques employés, c'est une sorte de petite et moyenne entreprise aux États-Unis. Ils ont un très très chouette produit avec des lames très résistantes, mais ils n'ont aucun budget marketing et donc ils sont un petit peu limités. Ils engagent en 2006 un nouveau directeur marketing qui est un peu plus focalisé sur le digital et qui va se balader dans le laboratoire de Blendtec. Et là, il voit en fait que des gens coupent des planches à pain en bois et on les mixe dans le blender. Et le gars qui vient d'arriver, il dit « Mais pourquoi est-ce que vous faites ça ?» Il dit « Mais on teste, c'est comme ça qu'on teste la résistance de nos... de nos lames, c'est le test, c'est le torture test. Mais ça, c'est génial, je vais montrer ça. Donc l'idée géniale de ce gars, c'est de développer, non pas d'investir des masses de pognon dans la com, c'est de développer un YouTube channel et de jouer la carte participative. Alors, il fait un lancement, et la première fois, il se dit, c'est à l'époque l'arrivée de l'iPhone, on va blender au ralenti un iPhone et puis on va demander aux gens tiens, qu'est-ce qui vous amuserait de voir mixer et on va le faire pour vous. Et donc il y a plein de gens qui sont abonnés au YouTube channel, plein de gens qui ont fait des propositions sur les réseaux sociaux en disant et les balles de golf, et les battes de baseball, etc. Et puis en fonction des plus grandes demandes, ils produisaient de nouveau dans leur laboratoire, hein, pas de manière importante, ils produisaient le film qu'il postait, et puis il réinvitait la communauté à venir voir le film. Et ça, c'est un des plus chouettes exemples d'une petite marque qui a grandi et qui s'est fait une vraie notoriété aujourd'hui, grâce à cette manière de faire, participative, fun, décalée, mais néanmoins toujours focalisée sur la robustesse et l'efficacité du produit. Alors, ce qui est marrant, c'est que le mec que vous allez voir, c'est le fondateur Tom Dixon, le fondateur de l'entreprise. That is the question. I love my new iPhone. It does everything. But will it blend? That is the question. Let's find out. I think I'm going to push the smoothie button. On YouTube have asked me to blend an iPhone, so I did it, but I have another. Bon, il a fait fait 4 ans plein, et puis il s'est chaque fois adapté. Alors, ce qui était intéressant, c'est le nombre de channel views, on est à 6 millions. Le truc a évolué, il a développé une nouvelle plateforme qui est un peu plus actuelle, et il continue à blender tout ce qu'il peut. Will it blend? That is the question. Are you having trouble deciding which new phone to get? Nah, neither are we. But we have two phones here, and some people are telling me they're having a hard time making up their mind. So, I am going to help them out. Are we ready? Lumia? 929? Nobody wants that. Here, the Galaxy Note 3. And over here, seems like this larger size doesn't want to come out. Ah, the iPhone 6 Plus. I think I'll press the Newton button. And over here, I think I'll press the Who's Copying Who button. Voilà, il utilise pas mal les réseaux sociaux dans cette interaction. C'est très très con, hein. Je suis d'accord, mais ça a permis à la marque de faire énormément de notoriété. Et surtout, bon, j'ai pas les derniers résultats, mais en 4 ans, ils ont augmenté leurs ventes de 700%, et notamment les ventes en ligne, pour devenir. Alors, il y a, vous connaissez des geeks. Je pense qu'ils connaissent BlendTech, il y a même beaucoup de geeks qui veulent absolument avoir dans leur cuisine ce mixeur robot, parce que ça c'est franchement top. Parce que notoriété sur les réseaux sociaux et ça va être une stratégie participative. Et puis, avant de vous lâcher, plus proche de nous, pensez aux dernières campagnes pour l'iPhone 6, qui était faite à partir de photos faites par les utilisateurs de l'iPhone. Sont devenus la campagne principale et mondiale de Apple. Ce qui prouve également que les stratégies participatives sont très importantes. Et je termine par ça. Une petite explication. Ça date un petit peu, mais c'est une stratégie participative dans un concours pour Ricola aux États-Unis qui est démentiel. Il faut savoir que Ricola, c'est. Aux États-Unis, il n'y a pas le même positionnement que chez nous. C'est plus un bonbon comme un Strepsils quand on a mal de gorge. Mais en général, il y a deux campagnes, notamment une grosse campagne en hiver. L'agence a proposé de diminuer d'un million le budget média en télé, le budget habituel, pour faire une action terrain participative. Et quoi ? Ils ont annoncé sur certains réseaux sociaux qu'il allait y avoir un tousseur officiel Ricola qui allait se balader de ville en ville. Ils invitaient les gens à dire, si vous reconnaissez cette personne, qui n'est même pas brandée Ricola, hein, c'est qui est habillé comme vous et moi, et qui tousse, et vous lui proposez un bonbon Ricola, cette personne sortira de sa poche 10 enveloppes, et dans une des enveloppes, il y a l'équivalent d'un million de dollars. Bon, imaginez-vous ce que ça donne dans le métro à New York en plein hiver. Il y a quelqu'un à côté de vous qui tousse, et il y a trois personnes qui vous offrent un bonbon Ricola. C'est pas vous le tousseur officiel ? Non, c'est quoi le tousseur officiel ? Ah merde ! Ce qu'on pensait, c'est que Ricola lance une campagne, machin. Explosion des ventes en un mois. J'ai oublié le chiffre, mais c'était astronomique. Et c'est du vrai bouche à oreille. Parce qu'en effet, vous êtes à côté de quelqu'un qui vous dit. Ah, ils pensaient que c'était vous le tousseur officiel. Et donc ils ont trouvé finalement dans chaque ville le tousseur officiel, ils ont fait une vidéo. Mais ça c'est assez ingénieux et assez incroyable comme technique créative. Et donc voilà, je voulais vous raconter ça pour terminer ce cours. Merci de votre présence et à la semaine prochaine.